Cinquième ambiguïté. C'est la parole de celui qui dit « Si ce jugement auquel on va demander justice est contraire au jugement d'Allah, alors il n'est pas permis d'y demander justice. Par contre, s'il est en accord avec le jugement d'Allah, comme le jugement de l'équité, afin de restituer les biens, alors cela est permis. » Réponse. Cette parole est vaine à travers deux aspects. Premier aspect. Nous ne regardons pas le résultat du jugement, est-ce de l'équité ou de l'injustice, mais nous regardons l'acte ainsi que sa référence. Au point que la situation actuelle est qu'il va demander justice à cette équité par le biais de ce Tarout. Pour cela, lorsque le Très-Haut a dit, ils veulent prendre pour juge le Tarout, en désignant Ka'b ibn Ashraf comme Tarout. Il a mis comme prétexte de la mécréance le fait de lui demander justice et trancher dans les litiges chez lui. Il n'a pas mis comme prétexte de la mécréance ici le fait que Ka'b ibn Ashraf ne jugeait pas avec équité, car il prenait des dessous de table. Deuxième aspect, nous ne regardons pas non plus le droit du serviteur, à savoir s'il va être jugé avec équité ou injustice, mais nous regardons le droit de celui qui est adoré, c'est-à-dire At-Tawahid. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56, et qui implique le rejet de At-Tawahid, en ne lui demandant pas justice, en pratiquant sur lui le tekfir et en avertissant les gens contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans lui donner d'associé. » Comment donc avertissez-vous les gens contre At-Tawahid alors que vous êtes les premiers à aller lui demander justice et faire trancher vos litiges chez lui? Sixième ambiguïté. C'est la parole de celui qui dit « On ne trouve pas d'autorité religieuse qui pourrait me rendre mon droit. Je suis dans la nécessité de faire ceci. » Réponse en deux points. Premier point. Nous mettons en garde celui qui dit ce genre de parole avec la parole du Très-Haut. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Sourate 16, verset 107. Le Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans son pamphlet Kashf al-Shubuhat, vers la fin de son œuvre, dit au sujet de ce verset, il a rendu clair que cette mécréance et cette punition ne sont pas dues à la croyance ou ignorance, ou par haine de la religion ou par amour de la mécréance, mais leur cause est qu'il y avait un profit parmi les profits de ce bas-monde. Il a préféré le profit du bas-monde à la religion. Fin de sa parole. Il n'est pas permis à un musulman qui croit en Allah et au jour dernier de préférer un profit parmi les profits d'ici-bas à la religion, que cela soit pour une demande d'une fonction ou d'une présidence, ou que cela soit pour redouter la perte des biens et argent. Car le but de la préservation de la religion devance le but de la préservation des biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'esclave du dinar est malheureux. L'esclave du dinar est malheureux, l'esclave du vêtement est malheureux, il est satisfait quand on lui donne et se met en colère lorsqu'il ne reçoit rien. Il est malheureux et déçu, si une épine le pique, il sera incapable de l'enlever. » Rapporté par Bukhari. Allah a dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 29, verset 24. Regarde qu'Allah te fasse miséricorde. Comment Allah les a blâmés pour ces raisons qui sont en rapport avec ce bas monde et pour lesquelles ils ont délaissé le djihad. Une question s'impose. Celui qui délaisse le tawahid et associe à Allah afin de préserver ces huit choses, est-il pire que celui qui délaisse le djihad pour ces huit mêmes choses? La réponse est, sans le moindre doute, quiconque délaisse le tawahid est pire que celui qui délaisse le djihad. Si Allah n'excuse pas l'absentéisme du djihad pour ces huit raisons, comment peut-il excuser celui qui délaisse le tawhid pour ces mêmes raisons? Allah n'excuse pas la parole de mécréance excepté pour les personnes sous contrainte. Une personne sous contrainte est quelqu'un qui est dans le même cas que le compagnon Ammar ibn Yasir. Ceci est une dispense, mais ne pas la prendre est bien meilleur, comme il peut être vu dans beaucoup de hadiths. Cheikh al-Islam Abdelrahman ibn Hassan al-Shir, rahmahullah, rapporte selon Mohammed ibn Ahmed al-Hafdi, attention ô les raisonnables, le repentir, les insouciants, car al-fitna, dissension, est dans la base de la religion et non pas dans ses détails, ni dans dunya. La tribu doit être, ainsi que les épouses, les biens, le négoce, les demeures, protection de la religion et sacrifice pour elle. On ne doit pas rendre la religion sacrifice pour les choses citées. Allah a dit, dis ici vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah. Alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 29, verset 24. Sois éveillé et médite sur cela. Allah a ordonné que lui, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il jihad, soit plus aimé que les 8 choses citées dans le verset. Que dire d'en faire passer une seule ou plus avant Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il jihad. Que la religion soit chez toi ce qu'il y a de plus précieux et plus haut. Le repentir doit être le plus important et le plus prioritaire. At-Tarah Saniya, volume 8, page 259. Deuxième point. Nous rappelons à celui qui dit cette parole, la parole du Très-Haut. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Sourate 51, verset 56-58. Il a montré le but pour lequel il a créé les serviteurs et qu'il s'est chargé de leur subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, ô fils d'Adam, libère-toi pour mon adoration. Je remplirai ta poitrine de richesses et je fermerai ta pauvreté. Et si tu ne le fais pas, j'occuperai ta main et je ne fermerai pas ta pauvreté. Rapporté par Ahmed. Par contre, pour ce qui est de la parole de celui affirmant qu'il est dans la nécessité de faire cela, celle-ci est vaine à travers deux aspects. Premier aspect, s'il apparaît de ce qui en a découlé que le fait de demander justice est considéré comme une adoration, tel le sacrifice ou le vœu, sache alors que les gens ont mélangé et n'ont pas fait la différence entre la nécessité et la contrainte. Ils ont alors excusé la personne qui est dans le besoin de faire de la mécréance. Il n'y a aucun doute que cela est vain, car la nécessité ne permet que de faire des désobéissances, tandis qu'en ce qui concerne la mécréance, il n'est permis à personne de la commettre sous le prétexte du besoin, mais au contraire, il faut une contrainte se traduisant par une menace de mort ou de torture. La nécessité, c'est lorsque la personne se trouve dans le besoin de faire un mal mineur afin de ne pas faire un plus grand mal. Allah dit, il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 2, verset 173. Tandis que la contrainte, c'est torturer la personne jusqu'à sa destruction. Dans ce cas, Allah nous a permis de dire une parole de mécréance. Cela ne vaut que si on lie la nécessité à la contrainte. On y trouve cependant un rapport de généralité et d'exception. En effet, cela veut dire tout simplement que toute contrainte est une nécessité et que toute nécessité n'est pas contrainte. Hamad ibn Atiq dit, si on se demande quelle est la contrainte qui nous permet de prononcer la mécréance, la réponse est que la cause pour laquelle le verset a été révélé est la meilleure explication de la contrainte. Al-Barawi a dit, Ibn Abbas a dit la parole d'Allah, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Sourate 16, verset 106. À propos de Ammar qui a été pris par les associateurs, ainsi que son père Yasser et sa mère Soumaïa, ainsi que Bilal, Khabbab et Salim, qui ont tous été torturés. Quant à Soumaïa, ils l'ont attaché entre deux chameaux et lui ont transpercé sa partie intime à l'aide d'une lance et elle mourut. Son mari Yasser fut tué. Ils furent les premiers à être tués en islam. Quant à Ammar, il leur a donné ce qu'il voulait et ce sous contrainte. Ils l'ont mis dans le puits de Maïmoun et lui ont ordonné de mécroire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est plié à leur ordonnance tout en ayant le cœur ferme sur sa croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que Ammar avait mécru. Il dit non. Ammar est rempli de foi de sa tête à ses pieds et sa foi s'est mélangée à sa chair et son sang. Ammar est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant qui lui demanda « Que nous amènes-tu comme nouvelle ?» Il répondit « Du mal, ô prophète d'Allah. J'ai parlé en mal de toi et j'ai parlé en bien de leur divinité. » Il rétorqua « Comment as-tu trouvé ton cœur ?» Il répondit « Plein de sérénité de la foi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuya ses yeux et lui dit « S'il recommence, répète ce que tu as dit. » Alors le verset fut révélé. Mujahid a rapporté qu'un groupe de personnes est sorti pour émigrer. Les Quraysh les ont rattrapés en chemin et ces personnes ont dû mécroire sous la contrainte. C'est là que le verset fut révélé. D'après Muqatil, le verset fut révélé à cause d'un esclave dont le maître l'a contraint à mécroire. Celui à qui arrive ce qui leur est arrivé, alors il lui est permis ce qui leur a été permis. Ammar n'a prononcé la parole de mécréance, de kufr, qu'après l'assassinat de ses parents, qu'après qu'il fut torturé et jeté dans le puits. Il en est de même pour ceux qui ont été attrapés par les Quraysh ou l'esclave qui a été contraint par son maître et autres. Ils ont tous prononcé la parole de kufr, de mécréance, après s'être fait torturer ou menacer. Et c'est pour cette raison que certaines personnes se sont excusé auprès de l'imam Ahmed à l'époque où il a été éprouvé en s'appuyant sur le hadith de Ammar. L'imam Ahmed leur a répondu « Ammar a été torturé alors qu'à vous, il a été dit que vous alliez être torturé. » Deuxième aspect, nous questionnons à travers un exemple ceux qui disent ce genre de paroles. Supposons qu'il y ait un pouvoir qui adore une idole et qu'il s'en prenne à un homme et s'accapare de ses biens et refuse de lui rendre. Puis qu'il lui dise « Nous ne te rendrons pas tes biens à moins que tu fasses une offrande ou que tu fasses une tournée révérentielle autour de ce tombeau. » La question ici est, est-il permis dans cette situation de faire des offrandes à l'idole et de faire le tawaf, les tournées révérentielles autour de lui, ou de se prosterner devant lui parce qu'il est dans la nécessité de récupérer ses biens? Est-ce que son acte lui enlèvera le jugement d'associateur qui lui est attribué? C'est une question qui attend une réponse. Troisième aspect, si jamais on accepte que la perte des biens fasse partie intégrante du sujet de la contrainte, alors il n'y a pas de doute. Une fois les textes rassemblés, qu'il sera clair le moment où une personne sous contrainte est excusée ou ne l'est pas. En ce qui concerne le premier texte, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Sourate 16, verset 106. Ce verset a été révélé à cause de Ammar ibn Yasser lorsqu'il fut torturé jusqu'à ce qu'il eût prononcé la parole de mécréance. Le deuxième texte concerne la parole d'Allah. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous ?» À propos de votre religion, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Sourate 4, verset 97. Ce verset est descendu, comme l'a rapporté Bukhari dans le hadith de Ibn Abbas, regardant l'explication de ce verset, à l'égard de certains musulmans qui étaient sortis avec les associateurs durant la bataille de Badr. Certains d'entre eux furent tués et d'autres furent emprisonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a traités comme les autres mécréants. Une rançon devait être payée pour leur libération. Al-Bukhari rahmahullah a dit dans son sahih, d'après Muhammad ibn Abdurrahman, Abil Aswad qui a dit « J'étais sorti en conquête avec une armée de Médine et j'ai rencontré Ikrima. Je lui ai alors dit que je sortais avec une armée de Médine et il m'a conseillé fortement de ne pas y aller. Il a ensuite dit Ibn Abbas m'a informé que des musulmans étaient avec les associateurs pour augmenter leur nombre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux atteints par des flèches ou des coups mouraient. Allah a révélé dans la sourate 4, verset 97, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes. D'après Ibn Abi Hatim et Ibn Jarir dans son tafsir, d'après Sadi qui a dit, quand les musulmans ont emprisonné l'Abbas, Aqil al-Nuwafal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abbas, paye ta rançon et celle du fils de ton frère. Il répondit, ne prions-nous pas vers la Qibla et ne témoignons-nous pas ton témoignage? Il dit, Allah n'a pas accepté vos excuses. Et il lui lut le verset, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste?